the web. Un caso serio nella radiofonia. Quand tu veux, n'hésite pas.

Mes pouces de misère et pauvreté, yeah. La maman toujours à prendre. J'ai belé la camolie pour traverser en l'eau rivière. Au travail moi, au travail d'elle. Pour faire grand là, pour faire l'usine. La maman toujours à prendre. J'ai belé la camolie. Un jour rivé, vous découvrez la musique encore avant l'esprit. Ils ont fait tout ça pour y démarrer, j'y vais. Ou qu'à chanter, laissez ça quand il jaillit, laissez-le triper. Apaïo, qui que peut changer la terre. Thank you. j'ai réfléchi pour trouver une solution pour nous vivre dans nos passions. Filé, on pense que je fume la cafine, on pense la cafine. Fait que